mais je me souviens pas ce qui me disait de faire ou ce qui me disait pas. J'avais des hauts, j'avais des bas, j'avais plus ou moins chaud. Je voulais trop, je m'aimais. C'est que je ne voulais pas. Y'a des choses je ne connais pas. Je gâtais là. Laisse pas me faire vivre. La tombe en nerveux. Je trouvais dans les livres de quoi patienter un peu. J'avais des hauts, j'avais des bas, j'avais plus ou moins chaud. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.